France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 141. Bienvenue à toi dans ce monde archiloufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 14 décembre 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Cette semaine dans Panique au Mangin Palace, avant tout, tu es Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous fêtions mercredi dernier le 60e anniversaire. Pour célébrer l'événement, une cérémonie solennelle était organisée au Trocadéro. Lecture de l'acte des droits de l'homme par Bernard Kouchner. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, sauf Ramayadé. Article 2. Ramayadé est viré. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du Joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, primo, nous commencerons par décrypter, entre autres clins d'œil freudiens, l'essence de cette formidable relation qui unit aujourd'hui Martine et Ségolène, une grosse ambiance crépage de chignon. Ensuite, nous découvrirons comment Winnie l'ourson s'est emparé de la direction de l'UMP cette semaine. Et puis, alors que le Sénat américain vient de blackbouler le plan de Barack Obama censé sauver l'industrie automobile, figure-toi que nos fantômes de l'INA ont eux aussi essayé avant-hier, à leur manière, de trouver une solution pour sortir la bagnole de la mouise. Dans la foulée, nous te raconterons les péripéties parisiennes de Monique et Jean-Claude le week-end dernier, puisqu'un comité d'entreprise de Grosboules-les-Bains leur a offert pour Noël un spectacle cabaret champagne. Et puis, jeudi dernier, notre facétieux reporter s'est pointé au salon nautique Porte de Versailles. Une petite session d'élucubration en perspective. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Mais attention, ce matin, monte vraiment le son car voici trois saisons que nous attendions de t'offrir ce qui va suivre. Oui, les temps sont durs, la crise te bouffe la vie, alors voici pour toi, sur France Inter ce matin, AC/DC. Soit rock, soit hard, enrageons-nous et surtout, renverse tout! Thunderstruck, autrement dit foudroyé, c'est ce que fredonnaient en 1990 les hard rockers australiens d'AC/DC pour cette jolie mélodie. Composé après qu'Angus Young, le guitariste du groupe, ait vu ses cheveux se dresser sur sa tête quand l'avion qui le transportait fut frappé par la foudre. Et en effet, un hard rocker de renom n'est jamais lassé face au décès. Pourriez-vous faire atterrir cet avion ? Non, mais ça va pas à la tête. Très bien, au contraire, et j'ai horreur des familiarités. Alors, il est temps maintenant de te vautrer confortablement afin que nous entamions ensemble les modestes aventures de ce 141e épisode du Mangin Palace. Et, bien entendu, à 11h11, c'est le moment de notre petite messe freudienne, puisqu'inlassablement avec Monsieur Divan Beaugelet, le fieffé sacripant de nos coursives, nous traquons chaque semaine l'inconscient du discours politico-médiatique. Ainsi, découvrons ensemble ce matin, entre autres, quelques étranges teutons, une belle toge orange et des remaniements roses. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. À 64 ans, Patrick Devedjian fait donc son retour au gouvernement à un poste très exposé puisqu'il est désormais le monsieur relance de l'équipe Fillon. C'est quoi ton plan ? En nommant Patrick Devedjian à ce poste, Nicolas Sarkozy fait d'une pierre deux coups. Qu'est-ce que t'as trouvé ? De quoi est-ce que vous parlez ? D'abord, il récompense un proche, ensuite il prépare d'importants changements à la tête de l'UMP. De la même chose que toi, tu parles ? Avoir la responsabilité de faire la mise en œuvre du plan de relance. Et moi, de quoi est-ce que je parle ? J'ai bien conscience que c'est très risqué parce que c'est difficile. Écoute, soit tu fais tourner, soit tu reprends ta patinette et tu vas te mettre du vent sous tes fesses. Qui doit-on croire ? Samedi, Martine Aubry déplore que Ségolène Royal ne veuille pas travailler dans la nouvelle équipe du Parti Socialiste. Ségolène Royal et ses amis ont pris une décision, qui est de ne pas accepter ses propositions, et je la respecte. Ces infortunés ont une carence très grave, ils sont dénués d'amour. C'est faux, selon l'ex-candidate à la présidentielle. Tu vas répéter ce que tu m'as dit la dernière non, fois. Non, je sais très bien ce que je t'ai dit. Je vais entendre ce que tu as dit. Nous attendons, en effet, que Martine nous propose des responsabilités. J'ai dit qu'il vaudrait mieux ne pas le retenter. Non, t'as pas dit vaudrait mieux. À la hauteur de ce que nous pouvons apporter aux Français. Oui, mais j'ai envie, tu les casses ! Nicolas Sarkozy vient d'arriver à Gdansk. C'est ici, à 2000 km de Paris, qu'il doit rencontrer le chef spirituel tibétain. Ah bien, juste à l'heure, très bien. Les deux hommes se parleront en tête à tête durant quelques minutes. Très élégant, vous, très super. Le Dalai Lama m'a confirmé ce que je savais d'ailleurs. Extra, spécial look, grande classe. Qu'il ne demandait pas l'indépendance du Tibet, et je lui ai dit combien j'attachais de l'importance à la poursuite du dialogue. Nous sommes les dépositaires d'un grand secret émanant d'extraterrestres concernant les voyages interplanétaires par failles temporelles. En fait, la visite de Nicolas Sarkozy à Londres relevait un peu d'un exercice d'équilibrisme. Il lui fallait montrer que le couple franco-britannique fonctionne. Ça colle bien à vous deux, hein ? Tout ça sans donner pour autant l'impression d'exclure l'Allemagne. Tu sais, la fille qui avait pas d'amis, right. Une grosse naze, une pauvre ratée, la fille qui fait pas envie. C'est du ministre allemand des Affaires étrangères qu'est venue hier soir la principale réaction. Ils disent qu'ils travaillent pour nous. Je ne trouve pas bien que la chancelière ne soit pas là. Mais ce qu'ils veulent, en fait, c'est être les maîtres du monde. On ne peut pas diriger la politique extérieure d'un pays uniquement en fonction des droits de l'homme. Oh, quelle horreur, mon vieux. Bernard Kouchner, sans doute en service commandé, c'est vous le patron, vient de signifier à Ramayad que sa carrière au gouvernement était peut-être en train de s'achever. Ouais, il faut qu'elle se barre. C'est parce qu'il est agacé depuis longtemps déjà par l'indépendance affichée de Jean-François Copé. Quoi ? C'est une blague ? Cool. Que le chef de l'État vient de placer Xavier Bertrand à la tête de l'UMP. J'ai pour mission de vous coincer. Hier, Jean-François Copé a d'ailleurs souligné que lui avait été élu à la tête du groupe, alors que Bertrand a été nommé à la tête de l'UMP. Il y a un message subliminal dans ce que je dis. Quand on est président de groupe, son principal patron, ce sont ses amis députés qui m'ont élu. Voilà. Parcours d'élu, parcours de nommé. C'est pas la même chose. Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon. Eh bien, cette semaine, alors que la crise bat son plein, la panique au Mangin Palace a été très intriguée par les mutations profondes et essentielles qui sont sans aucun doute une planche de salut pour l'ensemble de la population française, voire de la Terre tout entière, à savoir la nomination de Patrick Devedjian au poste de ministre de la Relance économique. Et oui, une révolution dans la maison de la droite française qui ressemble un peu parfois, c'est vrai, à la forêt des rêves bleus. Dans la maison. l'horizon de Winnie l'ourson. On entend tout le temps des chansons. On aime le vieux bourriquet, mais il est parfois inquiet. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct. Si Coco Lapin fait son jardin, il carotte chez le voisin. C'est un peu la même chose pour Jacques Chirac. Il y est arrivé, et malheureusement, pour lui et pour la France, c'est le mouvement gaulliste qui, en tant que tel, a disparu. Devant la maison de Porcinet, on fait la danse du ballet. Ce qui compte, c'est de savoir dans quelle république nous vivons. On ne cesse de nous dire que nous vivons dans une république une et indivisible et qu'il ne faut pas faire de discrimination positive. Je trouve que là aussi, c'est pas une chose qu'il faut faire au dernier moment. Oh, mais quelle corvée ! Tigrou bondit un peu partout, sans jamais se casser le cou. Comment croire que l'on peut être capable de sortir de l'immobilisme si on n'a pas la volonté de s'extraire du conformisme ? C'est tigrement beau ! C'est tigrement beau, ce qui se passe aujourd'hui à l'UMP. Un parti, un vrai, qui sait obéir à son chef sans rechigner, à l'inverse de ces socialistes-là perdus dans leurs débats. Ainsi, l'ours hargneux Patrick Devedjian a quitté le poste de secrétaire général de l'UMP, non sans avoir laissé un souvenir impérissable à la direction nationale de l'Union pour un mouvement populaire. Il était très brun, il sentait très fort. Et vous, monsieur, vous l'avez vu aussi ? Oui, je crois. Vous croyez ? Oui, enfin, c'est-à-dire que ça s'est passé si vite. Mais il sentait vraiment très brun, hein. Très fort. C'est sûr que la rencontre avec l'ours est un événement marquant. Quand le cœur résiste, car il s'agit d'un choc, il s'ensuit une grande émotion. Eh oui, l'émotion, mais aussi le soulagement sont grands à l'UMP après le départ de Devedjian. Et c'est Xavier Bertrand, l'actuel ministre du Travail, qui va assurer sa relève. À l'UMP, tout le monde l'attend avec impatience. Ah bah tiens, d'ailleurs le voilà, Xavier Bertrand. Pipi, le voilà. Oh, l'ours qui pète. Bonjour les enfants. Si je suis si fripon, ton, et aussi si glouton, ton, c'est que les saucisses sont un souci pour mon bidon. Quel crétin. L'ours qui pète et qui rote, jamais deux fois sur la même note. C'est un sacré prout en train, jamais deux fois le même refrain. Jamais deux fois le même refrain, c'est le couplet qui se murmure dans les couloirs de l'UMP quand arrive le débonnaire plantigrade Xavier Bertrand, venu prendre la direction du parti. Bonjour. Bonjour. Oh, mon petit ventre réclame toujours du miel, mais c'est la toute première fois que le miel accepte de répondre. Mais Winnie, qu'est-ce que tu fais là ? Ton miel m'a invité à entrer. Naturellement, je n'ai pas voulu paraître mal élevé, Coco Lapin, ainsi que mon petit ventre. Ah, ton ventre, comment ça ? Tu ne penses jamais à rien d'autre, hein ? Je m'efforce de me rappeler. Où est Porcinet ? À tes souhaits. Merci. Porcinet ? Mais que fais-tu là, sous le lit ? Eh bien, nous avons eu très peur et nous ne savions pas vraiment quoi faire. Alors, j'ai pensé que c'était peut-être un bon endroit pour ne pas savoir. Eh oui, on a un peu la trouille en ce moment à l'UMP, car à l'Élysée, on tripatouille pas mal, selon le désir du prince, et Ramayadé en sait quelque chose. Alors bien sûr, tout le monde a bien repéré que Xavier Bertrand est piloté par président Sarkozy, et donc qu'il vaut mieux être bien vu de lui, surtout que les rumeurs les plus étranges circulent sur son compte. C'est un faux, sauvage, brutal, un pur instinct de tueur. Tu manques d'imagination pour une fois. Je connais cet animal, moi. C'est un pauvre ours de cirque, d'un cirque des Balkans, du Kosovo. Livré à lui-même depuis les horreurs de la guerre, son errance l'a mené jusqu'en Bulgarie, où des vendeurs d'ours, peu scrupuleux, l'ont capturé et vendu à des âmes sensibles et écologistes. Écologiste à l'UMP ? Ouais. Mais justement, l'arrivée de Xavier Bertrand à la direction de l'UMP, ce n'est sans doute pas le signe d'une lutte contre le réchauffement de la planète, mais plutôt d'un échauffement des tensions au sein de l'UMP. Ainsi, ils sont nombreux à penser que Xavier Bertrand prépare déjà les présidentielles de 2017. Ah bah oui, hein, parce qu'en 2012, on va refaire 5 ans avec le même. 2017, donc, car Xavier Bertrand, ce si gentil ministre, s'est manœuvré pour atteindre son but. Je ne dis jamais, ce n'est pas fait pour moi. J'irai doucement, mais sûrement, car l'important c'est d'aller au bout, d'aller au bout, et d'en mettre un bon coup. Car pour gagner le premier prix, ce n'est jamais tout cuit. C'est difficile, mais tant pis, ne pleure pas et vas-y. Ne pleure pas et vas-y, c'est sans doute une consigne sarkozienne donnée à Xavier Bertrand pour prendre la direction de l'UMP. C'est pourquoi, cette semaine, le nouveau patron de la droite française a clairement fixé la direction du parti. Oui. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Parti d'Henri, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti. Oh là, la cadence est donnée et l'ours Bertrand s'en va de l'avant avec entre les mains l'UMP, une grosse machine à fabriquer des présidents et surtout face à lui un bidule à produire des perdants. Mais à l'UMP en ce moment, la tension est forte entre Xavier Bertrand, le nouveau patron du parti, et un autre nounours, Jean-François Copé, qui se verrait assez bien à la tête de l'opposition. Et oui, Jean-François s'imagine bien président en 2017. Et il a beaucoup de mal à digérer la nomination du gros ours Xavier Bertrand comme secrétaire général de l'UMP. Le gros ours court dans la forêt. Le gros ours va te rattraper. Là là, qu'est-ce qu'il trace ? Il vient se reprendre, il se déplace, ses petits yeux me foutent les boules. Je vais te faire des trucs pas cool. Oh là là, qu'est-ce qu'il trace ? Qu'est-ce que je voudrais pas être à ma place ? Il me nique à la course ! C'est moi le gros ours ! Ainsi donc, la guerre des ours a commencé cette semaine à l'UMP et elle n'est pas prête de se terminer puisque Xavier Bertrand, quand il quittera son ministère en janvier prochain, redeviendra député à l'Assemblée nationale où il siégera aux côtés de Jean-François Copé, président du groupe parlementaire. Grosse ambiance à prévoir, mais que tous les militants de l'UMP se rassurent, sous ses airs débonnaires, Xavier Bertrand reste un animal politique et plantigrade, tout comme il faut et dans la ligne du parti. La France pays d'assister, je les supporte de moins en moins, à commencer par mon voisin. Ah mais c'est sympa ce qui passe à la radio, pourquoi je n'aimais pas Sartou, c'était idiot. Pourquoi toujours mon chien préféré, c'est le berger allemand. La vérité me frappe enfin maintenant. C'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants. Et tant pis s'il faut que je mette des mocassins ou des bateaux. Ça me gêne pas si ma fille doit apprendre le clavecin ou le hautbois. Et puis merde, je vote à droite. Je serai sûrement riche tout de suite. Je vous mépriserai. Eh oui, au mépris du code du travail, tel Winnie l'ourson, Xavier Bertrand a conscience que chacun doit taffer plus pour obtenir plus de miel. Enfin, plus précisément, pour ne pas voir son pot de miel se vider. Alors, président Sarkozy, qui s'active en ce moment pour mettre de l'ordre dans sa majorité, doit s'attendre à devoir en faire beaucoup plus dans les mois qui viennent pour calmer la rivalité entre Xavier Bertrand et Jean-François Copé, qui ne va pas manquer de critiquer de tous les côtés les méthodes de Xavier Bertrand. Pauvre, pauvre Nicolas, déjà qu'il doit subir les petites remarques de Carla. Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, c'est ma manière à moi. Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci, et c'est plus juste ainsi. ne va pas par ici, moi je vais par là, passe ou passera pas. Selon moi c'est par là, selon lui c'est pas ça, et bien vas-y sans moi. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit. Dis-moi ce que l'on croit. Ne mate pas celle-ci, mais je matais celle-là, et c'est moins grave, tu crois. Fais-moi un bisou là, suis-moi, on va au lit, tu ne penses qu'à ça. Si on partait là-bas, rien que nous, you and me, je veux rester ici. Je t'aime moi aussi, une chanson tralali, une chanson tralala. Oh mon amour, la vie à deux, tu vois, c'est pas si simple, du moins ce que l'on croit. Oh mon amour, quand c'est coup-ci, coup-ça, à deux toujours, c'est bien mieux que sans toi. C'est bien mieux que sans toi. La vie à deux, c'est ce que nous propose Zaza Fournier. Mais la vie à deux vitesses, c'est aussi ce que nous a proposé cette semaine le formidable sénateur UMP de l'Oise, M. Philippe Marini, qui souhaitait pépère que toute la thune perdue en bourse par les riches puisse être déduite de leurs revenus imposables pour 2009. Heureusement, c'est non. Oui, sauf qu'il y a le bouclier fiscal. Alors maintenant, après avoir découvert qui se planque réellement sous le joyeux costume de Winnie l'ourson, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h28. Sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, tu n'ignores point que chaque jour un peu plus, l'industrie automobile s'embourbe dans la mouise. Aux States, la firme tentaculaire General Motors est au bord du dépôt de bilan. En Europe, les usines ferment et partout en France, des milliers d'ouvriers sont au chômage technique puisque les patrons de la bagnole estiment que la crise justifie le dégraissage du personnel. Une aubaine, diront certains. Avant-hier, par exemple, une filiale de Peugeot a encore annoncé 1215 suppressions d'emplois. Eh bien, sache qu'au cœur de cette tourmente, dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, les voix fantomatiques des archives ont essayé mardi dernier de trouver une solution pour sauver l'industrie automobile. Alors écoutons avec attention ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard Lhermitte, planqué dans sa boîte d'archives. Tend bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine à l'INA, les voix étaient très préoccupées par la crise de l'automobile. Alors mercredi soir, elles ont organisé une grande soirée pour recueillir des fonds, le Voitureton. Ici Cléon, banlieue d'Elbeuf qui connaît aujourd'hui la notoriété. La Régie nationale des usines Renault a construit dans cette petite bourgade, à 3 km de la cité du drap, une usine qui emploie 1000 ouvriers. En duplex, en direct de l'usine Cléon, le directeur de Renault, Carlos Ghosn, répondait à toutes les questions. Je dois dire que ce n'est pas la première fois que je visite cette usine, ce n'est pas la première fois que je m'entretiens avec des ouvriers de l'usine de la Régie Renault. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En plateau, une célèbre économiste a repris la parole pour éclairer le public sur la situation internationale. Marlène Dietrich, comment expliquez-vous ce véritable culte que les Américains ont pour le dieu voiture ? Parce que la voiture, c'est le meilleur jouet de l'homme. Et je trouve qu'il a tous les droits d'avoir un jouet. Un homme américain sans voiture se sent-il défavorisé, diminué, au point d'en avoir un complexe ? Oui, mais ça n'existe pas, je trouve, je crois. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas de voiture. On peut acheter des voitures pour 5 dollars. On peut aller où il y a toutes les vieilles voitures qui marchent encore. Et on peut dire, voilà 5 dollars, je vous amène les autres 50, disons, si la voiture coûte 55 dollars, dans 2 semaines. On peut tout avoir en crédit, même les voitures usées. Alors tout le monde en a. Ensuite, Il y a des célébrités qui sont venues témoigner, comme Valérie Giscard d'Estaing. Avant d'être élu président, donc avant 1974, j'ai toujours conduit ma voiture moi-même. J'aime conduire, je continue à le faire d'ailleurs à l'heure actuelle. C'est une détente, c'est une liberté, on est dans le paysage, on est au milieu de la circulation, on voit les gens, etc. Expliquez-moi comment vous êtes devenue la reine des autostoppeuses. En faisant d'autostop, tout simplement. Comment fait-on d'autostop? On se met sur le bord de la route, on fait un joli sourire, aux voitures qui passent, enfin aux occupants de la voiture, s'ils veulent bien s'arrêter. Mais pendant ce temps-là, à Cléon, l'ambiance s'échauffait. Carlos Ghosn était dépassé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous parle de l'exportation? Vous voulez que je vous parle de l'arrêt de la fabrication des jus Vacat? Ici Cléon. 164 hectares de terrain, 235 mètres de façade, des ateliers dont la surface égale celle de la place de la Concorde. Ici Cléon. Dernière trouvaille de la technique, atmosphère en surpression à l'intérieur des bâtiments pour éviter les poussières et les rentrées d'air froid. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est absolument impossible de parler de tous les problèmes qui se posent à la Régie Nationale Renault en quelques minutes. Ici Cléon. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puisque les bénéfices de Renault sont coquets et que notamment les bénéfices de l'année en cours sont particulièrement appréciables. À ce moment-là, alors que l'optimisme était à son comble, le mouvement rebelle anti-auto a envahi le plateau. Vous êtes content de votre bagnole, là? Ah oui, c'est bien, faut pas être difficile. C'est français? Oui, ça doit pas être cher, quoi. Ah, quand même? Ah ben, ils s'emmerdent pas, hein. L'automobile est absolument néfaste en ce qui concerne la gentillesse. En automobile, c'est absolument incroyable. La gentillesse disparaît à tel tournant, à tel feu rouge. Ça, oh, figure de ceci, gueule de cela, c'est terrible. Et l'autre qui lui répond aussi des choses atroces et bordées d'injures. Quelle solution préconisez-vous? Peut-être se faire piéton. Parce que contre piéton, on s'attrape quand même beaucoup moins. Merci Flora Bernard pour cette nouvelle exploration temporelle et poético-burlesque au cœur de l'inattendu. Vous parliez bagnole ? Eh bien justement, prenons maintenant la route de nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, rejoignons immédiatement Grosboul-les-Bains, notre fantasque village, où nos deux héros, que sont Monique et Jean-Claude, bien sûr, ont profité le week-end dernier de l'offre du comité d'entreprise de la boîte du Jean-Claude, à savoir un week-end à Paris au moment des merveilleuses fêtes de Noël. Au programme, pour seulement 149 boules par personne, l'aller-retour en train, une nuit dans un hôtel 3 étoiles, un billet pour la grande roue place de la Concorde et un dîner-spectacle dans un cabaret proche de Pigalle. Ainsi, samedi matin, Monique et Jean-Claude étaient en gare de Grosboul, direction Paname. Oui, sauf que le séjour débutait mal. En raison de la présence d'un troupeau de bigorneaux sauvages sur la voie, votre train aura quelques secondes de retard. Merci de votre compréhension. Oui, à Grosboul-les-Bains, c'est le maire sans étiquette, donc de droite, qui rédige les annonces de la gare. Et pour lui, quelques lycéens en colère qui bloquent les trains ne sont qu'un troupeau de bigorneaux sauvages. Enfin bon, toujours est-il qu'un quart d'heure plus tard, les mômes laissent repartir le TGV de Monique et Jean-Claude pour Paname. Et dans ce train, Monique réfléchit à ce dîner-spectacle au cabaret qu'ils iront voir ensemble ce soir. C'est alors qu'il lui vient une idée qu'elle partage avec Jean-Claude. Je veux faire un show. Je demande pas mieux. Mais du nouveau. C'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers. Pourquoi toujours America First? West Side Story. C'est bien fini. Le parapluie. C'était joli. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Immédiatement, Jean-Claude est très emballé par cette idée lucrative. En gros, s'inspirer du spectacle de ce cabaret parisien ce soir pour le transposer ensuite à Grosboul et s'en foutre plein les fouilles. D'autant que Jean-Claude, figure-toi, connaît assez bien la patronne du cabaret en question, car c'est une ancienne copine de lycée, dis donc, Agnès, mais plus connue à Paris sous le nom de Grosse Bertha. Et dès leur arrivée à Paname, plutôt que d'aller mater les vitrines à la con, là, Jean-Claude et Monique vont donc directement au Macumba, étrange cabaret où Jean-Claude présente Monique à la Grosse Bertha. Tu m'amènes une élève ? Mieux qu'une élève, une idée. Fais la voir, ton idée ? Avance à la lumière, petit. Je suis pas une bête curieuse. Ici, t'as pas la parole. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Eh ben, je vais bien t'épater. Tu te souviens de tes triomphes quand tu dansais le cancan ? C'est pas d'hier. C'est ça ton idée ? Oui, c'est ça. Et pas seulement pour elle, mais pour tout ton pensionnat, puis peut-être pour bien l'autre encore. T'es louftingue. Non, je suis pas louftingue, non. Imagine un bataillon de belles filles dressées comme à l'opéra, avec toutes des petites frimousses comme celle-là, hein ? Mais c'est fini, le cancan. Qu'est-ce qu'elle ferait avec le cancan, ces petites... Le cancan. Pourquoi pas le rigodon ? Trouvera un nom nouveau, puis voilà. Mais ils ne veulent plus que des noms anglais, maintenant. Macadam, Macfarlane, Pickpocket, Lavatory. French cancan. Pas mal. Hein ? Mais y'a que toi, ma vieille guibole, pour faire revivre le cancan, hein ? Mais non, pense. Mais je te le dis. Oui, le French cancan, Jean-Claude est persuadé qu'une telle idée ferait un malheur à Gros Boule. Mais avec Monique, ils ont besoin que la Grosse Bertha les rencarde un peu sur deux ou trois astuces du métier. Du coup, Jean-Claude propose d'une part qu'ils aillent boire un verre dans le bistrot d'à côté avec sa vieille amie du lycée, pendant que d'autre part, Monique, elle, discuterait avec les filles du Macumba, là, pour savoir ce que préfèrent les clients, par exemple. Leur flanquer des fessées, je suis pas contre. Moi, si. Mais alors, quand il faut que je leur parle comme une nounou... Attends, le plus bizarre que j'ai jamais eu, c'est celui à qui je devais faire croire que j'étais des jumelles. Oh, tu viens pas. Jamais j'ai travaillé aussi dur de ma vie. Il aurait dû s'adresser aux 300 Beckman, c'était triplé. Oui, mais elle coûte une fortune, c'est... J'ai entendu qu'elle sont en mission spéciale chez un sultan au Maroc. Je vois pas pourquoi un homme voudrait des putains qui se ressemblent. Et si vous engagez deux ou trois femmes, vous voudriez pas un peu de variété ? Le pire, c'était l'homme d'affaires de Budapest. Oh. Et ses fantasmes complètement fous. Il m'a fait sortir à 3h du matin pour voir si je lui trouvais si libre de bonne. Et moi, il fallait que je le promène en laisse. Oh, ils ont tous l'air si innocents et dignes quand ils arrivent ici, pas vrai ? Et quand on entend les trucs qu'ils veulent qu'on leur fasse. Bon, Monique commence à comprendre que le cabaret de la Grosse Bertha, le Macumba, est un endroit quelque peu spécial, limite interdit, mais cela dit, Monique ne juge personne, au contraire. Elle entre dans la conversation et simplement, elle fait part de son point de vue à ces jeunes demoiselles. Non, je me disais juste que, pour moi, je me disais que ce serait pas possible pour moi de... Enfin, de prendre de l'argent aux hommes et, hein, et puis ensuite de feindre la passion. Vous voyez ? Je croyais pas que je pourrais non plus. Et puis un jour, il a fallu opérer mon mari, on n'avait pas l'argent. Tu es mariée ? Oui, je l'étais. Sauf qu'une fois guéri, quand il a su comment j'ai payé l'hôpital, bah il est parti. Bon débat. Ouais, bon débat. Alors, enfin je veux dire, les clients, ça leur est égal que ce soit tout mécanique, sans aucun... Enfin vous voyez, sans aucun sentiment. Égal. Mais tu sais qu'il n'y a que notre profession qui n'est pas touchée par les meurtres. C'est vrai, il y a une chose, une seule, pour laquelle le mal affronte le danger. C'est le joli petit animal poilu entre nos cuisses. Je vais te dire quelque chose, Trésor. Les hommes et les femmes, ils cherchent pas la même chose dans l'acte sexuel. Oh, ça, tu veux le dire. Et ils se le sont jamais pardonnés. Là, Monique est assez d'accord avec cette réflexion. Et cette curieuse conversation se poursuit pendant que Jean-Claude, lui, attablé à café d'à côté, vient d'être présenté à un ami de la Grosse Bertha, ami spécialiste des spectacles que Jean-Claude aimerait monter à Gros Boule avec Monique. Bien sûr, Jean-Claude est passionné par cet expert. Je suis professeur de striptease, mais ce n'est plus du striptease. Maintenant, nous faisons du glamour, nous faisons de l'érotisme. Le striptease, c'est un peu mort, monsieur. Le striptease, c'est une chose très ancienne, comme le glamour aussi, comme l'érotisme. Mais enfin, le striptease, c'est une forme de déshabillage qui s'appelle l'effeuillage, qui est terminé, c'est périmé. On ne doit pas laisser le public en haleine comme on le laissait avant pendant quelques minutes avec une fille qui se... contorsionnée avec des vêtements sur elle qui étaient plus ou moins adaptés, avec des bas, avec... On travaillait pour les vieillards avant. D'abord, le striptease angoisse les hommes. Alors, il faut le désangoisser, il faut que ça soit rapide. Il faut que tout de suite, il ait devant ses yeux ce qu'il cherche. Oui. Jean-Claude perçoit de mieux en mieux quel genre de spectacle il aimerait mettre en place à Gros Boule-les-Bains. Spectacle qui, sans aucun doute, bénéficierait très vite d'une large publicité dans toute la région. Cela dit, pour se faire une idée plus précise encore... Le mieux, bien sûr, selon la Grosse Bertha, c'est d'assister aux showgirls de ce soir. C'est ainsi qu'à 21h, entouré d'une centaine de touristes, Monique et Jean-Claude observent avec attention tous les détails de ce spectacle. Ah, les petites femmes, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes, les petites femmes de Paris. À 23h30, dans la salle du cabaret de la Grosse Bertha, proche de Pigalle, c'est l'enthousiasme. Le final était sublime. Monique se précipite alors dans les coulisses pour féliciter ses nouvelles amies, pendant que Jean-Claude, lui, se dirige vers le bar pour se rincer le gosier. Quand soudain, il aperçoit une sublime jeune femme rousse qui a dansé sur scène au début de la soirée. Bien sûr, il accoste très vite cette jeune danseuse et lui propose un verre. Mais bon... Eh bien, j'ai été ravie de vous rencontrer, monsieur l'anonyme, mais je dois partir maintenant. Restez, s'il vous plaît, un verre, un seul. D'accord, pour un verre, mais je le paye. Désolé, mais ici, personne ne paye. Tequila Gold. Double. Tequila? Eh oui, je m'étais promis que quand on se rencontrerait, on trinquerait à la tequila. Et surtout, pas de champagne, pas d'eau, de l'alcool, du vrai. Le pouvoir au peuple. Très vite, Jean-Claude proposa à cette jeune femme rousse de l'embaucher pour son prochain spectacle en province. Et si elle voulait quitter le Macumba, il lui laissait ici son numéro de portable après avoir picolé quelques tequilas. Cette étrange soirée parisienne fut fort agréable pour Monique et Jean-Claude. Mais le lendemain soir, de retour à Grosboule, Monique n'était plus trop enthousiaste pour monter sur scène et se lancer dans ce genre de spectacle. Cela dit, Jean-Claude, lui, demeurait chaud bouillant, et d'ailleurs, il en a immédiatement parlé aux voisins. J'étais complètement à plat. Eh ben, rien que de voir cette petite sautiller devant moi sur les pavés, ça a été une révélation. Et sais-tu ce que je vais leur donner? Non. Du canaille pour millionnaire. L'aventure dans le confort. Des tapes de guinguette avec des champagnes de marque et des flanflans de bastringue joués par des virtuoses. Tu ne peux pas savoir quel rêve pour les bourgeois que de s'attabler avec une gigolette sans risquer la vérole et le coup de couteau. Cela dit... Dès lundi matin, toute cette histoire de spectacle cabaret à Grosboule, là, qui devait soi-disant enfin faire la fortune du Jean-Claude face à la crise, s'était totalement dégonflée, dis donc. Pourquoi ? Eh bien, vois-tu, dimanche soir, un peu tard, avant de se coucher, Jean-Claude a découvert un message sur le répondeur de son téléphone portable, fin du spectacle. C'est un message pour Jean-Claude. Jean-Claude, on s'est rencontrés hier soir au Macumba. On a sympathisé, on est même sortis ensemble. Tu m'as embrassé, avec fougue. Tu m'as même dit que tu m'aimais. Je tiens à te préciser que hier soir, je portais une longue perruque rousse et que je m'appelais Françoise. Tu m'as dit que tu m'aimais. J'espère que c'est toujours valable. Tu n'es pas choquée, j'espère. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h44, après ces curieuses mésaventures du Jean-Claude, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin au Salon Nautique qui se tient à Paris jusqu'à ce soir, porte de Versailles. Au départ, notre facétieux reporter, monsieur Julien Dugast, nous avait dit « Vous allez voir, je vais aller rôder à proximité des yachts et autres caravelles luxueuses et vous faire découvrir comment vivent les riches à bord du Paloma, par exemple. » Très bien. Sauf qu'au final, une fois sur place, M. Dugast a fait une drôle de rencontre. Un homme de la mer, qui entretient un point de vue assez original sur la crise économique que nous traversons en ce moment. Ainsi, juste après la virgule, découvrons immédiatement cet énergumène qui baguenaudait au Salon Nautique. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Bon, moi quand on m'a dit « va nous faire un truc sur la vie des riches au Salon Nautique », direct dans la tête j'ai eu... Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Bon, mais en fait là-bas... Je te le dis sans détour, l'ami, ce fut le choc, le flash. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Ouais, ouais. Antoine mangeant son sandwich jambon à la cool, au milieu du salon, en chemisette à fleurs. La chemisette hawaïenne, c'est obligatoire? C'est une authentique chemise thaïsienne. Thaïsienne, et c'est... je ne dirais pas un uniforme, mais c'est une constante chez moi depuis longues années parce que j'aime pas du tout le noir. Je pense que si le bon Dieu a créé toutes les couleurs, c'est bien pour qu'on les utilise. Alors donc j'adore les chemises très colorées. Je suis arrivé à me styliser à un tel degré que je suis comme une espèce de marionnette. Et en plus, je suis quand même arrivé à projeter cette marionnette, pas uniquement dans un pays, mais dans le monde entier, puisque je peux aller dans la rue nulle part. En même temps, Antoine, il s'en fout du look, il est toujours en tongs, ce mec. C'est énorme le présentoir devant vous. Ah ben, parce que ça fait 35 ans que je voyage. Dis, mec, je conduis pas trop vite, ça va? Pour l'instant, t'es arrêté? 35 ans que je voyage et que j'ai le plaisir de réaliser ces films. C'est vraiment une passion pour moi. À Paul, les opticiens! Là-bas, ils ont été cool. Ils m'ont réparé mes lunettes cassées et en plus, ils m'en ont offert une deuxième paire. Là-bas, ils appellent ça la promo. À Paul, les opticiens! Mais arrêtez de me gueuler dans les oreilles, je suis pas sourd, merde! Mais voici! À Paul, opticien, mais sourd. Oh, la crise, il nous gonfle avec la crise. Hein. Le monde aura toujours besoin de manger, de boire, de vivre, de savourer, de s'amuser et de rêver. Donc, la crise, ça va, ça vient. C'est comme les bulles Internet, ça n'a pas de raison de nous décourager. Au contraire... De l'eau à 14 pieds au-dessus de la quille en 10 minutes. Dans le cocon avant, les trois cales et la chaufferie 6. C'est exact, monsieur. Mais allons-nous bientôt repartir, bon sang? Ça fait 5 compartiments. Il peut rester à flot avec les 4 premiers compartiments fissurés, mais pas avec 5. Pas avec 5. Par le rêve, par la beauté de tout ce qui se passe au salon nautique ici, j'ai la sensation que plus le monde est en crise, plus les gens ont envie de s'évader et de rêver, et le salon nautique, c'est très bien pour ça. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, ça s'arrangera. Eh ben voilà, à force de vivre dans les îles, là, tu perds complètement le sens des réalités, mon vieux. La crise, ça va, ça vient, oui. Enfin bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des paires de lunettes à refourguer pour repartir sous les cocotiers. Cela dit, on ne le répétera jamais assez, la vie est injuste et cruelle. Et parfois, il n'y a de la chance que pour la canaille. Pour preuve, cette petite histoire de Maître Guitry. Nous étions 12 à table. Un tas de champignons, du jour au lendemain, me laissa seul au monde. Seul, car 2 heures auparavant, j'avais volé 8 sous dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes. Ce crime allait avoir pour moi des conséquences imprévues, innombrables et diverses. Car mon père en courroux s'était écrié, puisque tu as volé, tu seras privé de champignons. Ces végétaux mortels, c'était le sourd-muet qui les avait cueillis. Et ce soir-là, il y avait 11 cadavres à la maison. Oui, j'étais vivant parce que j'avais volé. De là en conclure que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes. Et ce soir-là, m'endormant seul dans la maison déserte, je me suis fait sur la justice et sur le vol une opinion peut-être un peu paradoxale, mais que 40 années d'expérience n'ont pas modifiée. Écoutez, bonnes gens, la cruelle et douloureuse histoire du frère Dalton, qui furent l'incarnation du mal, et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte du droit chemin. Tout petit à l'école, à la place de crayons, ils avaient des limes, en guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. D'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, il n'y a plus personne. Les années passèrent. Ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage. Et ficelaient le docteur qui faisait les vaccins. Et puis contaminèrent les gens du voisinage, s'amusant à les mordre, bien accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, il n'y a plus personne. ils devinrent des hommes. Un conseil, mon ami, avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire assurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le frein. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y'a plus personne. Et la justice payée. Comme tous les jours, leur tête augmentait de 20 centimes. Des centimes américains. Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livrèrent eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y a plus personne. Les Dalton, c'était Joe Dassin qui ramenait sa fraise en 1967 pour faire Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Mais aujourd'hui, tout le monde sait, même les Daltoniens, que primo, Tagada, c'est rouge, et secondo, que Joe Dassin est pour nous comme un père, qu'on ne manque jamais de diffuser. Rouge, impair et mort. C'est 33. Alors maintenant, à 11h52, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Eh bien, écoutez, en lisant la presse cette semaine, Philippe, j'ai été, une fois encore, émerveillé par l'innocence de la jeunesse. Ah! Ah, c'est merveilleux. Bon, il y a tout d'abord cette histoire que nous rapporte le Républicain Lorrain, celle d'une innocente gamine de 12 ans qui a foutu un bazar pas possible dans son collège à Étain, dans la Meuse, près de Verdun. En effet, cette môme a ramené en cours d'histoire pour illustrer la leçon un obus de la Première Guerre mondiale. Le collège a été évacué, les 10 mineurs sont intervenus et moi, je ne serais pas étonné, puisqu'elle a 12 ans, âge fatidique en ce moment, qu'elle soit sous peu inculpée d'association de malfaiteurs avec relation avec une entreprise terroriste, sans doute en lien avec les dangereux activistes, vous savez, ceux de Tarnac, là, voire Al-Qaïda, pourquoi pas la bande Abadère. Il y a des coups de pied au but qui se perdent. Alors, autre histoire de jeunesse innocente, celle de ce jeune homme de 19 ans, pour qui le tribunal de police d'Evry a jugé nul et sans intérêt la citation à comparaître pour avoir, en avril dernier, craché par terre. Oui, alors bon, c'est un peu crado de cracher par terre. Oui. Mais la justice a trouvé que la police avait fait preuve de beaucoup de zèle en l'interpellant pour non-respect d'un règlement sanitaire départemental. Bon, alors vous me direz, il y a des précédents, parce que dans quelques mois, on va fêter le 60e anniversaire de la condamnation du jeune Boris Vian, alias Vernon Sullivan, pour avoir craché sur leur tombe. Mais surtout, Le Monde nous rappelle qu'en 2006, à Lyon, un lycéen de 16 ans avait été condamné à une amende de 135 € pour avoir craché un arrêt de bus. Alors, la condamnation faisait référence à un décret de Vichy de mars 42. Quelle fraîcheur, selon lequel il est interdit de cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet. Oula, faut quand même faire un peu gaffe à ces références, car c'était une autre époque, hein, la tuberculose était virulente. Et bon, les jeunes, ils sont toujours sans limite et ils osent tout. Et aujourd'hui, c'est au Liban que les tuberculoses dépassaient les limites. Je vous explique. C'est magnifique celle-là. Oui, c'est une très belle transition. C'est le quotidien libanais d'expression française, L'Orient du jour, qui nous raconte cette étrange histoire de tubercule. Khalid Semhat, un agriculteur libanais, s'est trouvé comme un gamin devant le sapin de Noël, ou plutôt devant un cèdre avec des guirlandes, quand il a récolté une pomme de terre de 11 kilos. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est qu'il n'a jamais utilisé d'engrais chimiques. Mmh. Ah, comme quoi, mais ça, tous les agriculteurs le savent, il est possible de produire sans être obligé de déverser un maximum de produits nocifs, comme le préconisent les multinationales de l'agroalimentaire. Bon, cet agriculteur du sud Liban a maintenant autant la patate que du temps de sa fougueuse jeunesse, car c'est connu, la jeunesse est fougueuse, c'est ce que nous raconte le Shanghai Daily. Dans la ville de Douai, au sud de la Chine. J'adore les journaux, vous lisez. Oui, j'aime beaucoup moi aussi. Dans la ville de Zhuhai, donc au sud de la Chine, une jeune femme est devenue sourde justement à cause de la fougue de la jeunesse. Bon, que s'est-il passé? Eh bien, c'est son amoureux qui lui a défoncé le tympan à coups de pelle. Le docteur Lee, qui a soigné la jeune femme, explique que le baiser a réduit la pression dans la bouche. Il a exercé une forte tension sur le tympan et a entraîné une surdité qui sera guérie dans quelques mois, je vous rassure, tant mieux pour elle. Alors depuis, le Shanghai Daily donne, avec raison, des conseils aux jeunes pour apprendre à s'embrasser sans se crever les tympans, puisque, on le sait tous, hein, c'est par l'oreille que la Sainte Vierge est tombée. Elle est tombée enceinte comme ça. Donc, et oui, faut faire très très attention. Et oui, c'est vrai. Alors Philippe, vous voyez, dans la presse cette semaine, la jeunesse est à l'honneur. Et d'ailleurs, les mouvements lycéens qui ont lieu en ce moment montrent à quel point les jeunes sont encore responsables et très conscients de ce qu'on leur concocte, là, vous savez, sous couvert de réforme. Oui, oui. Et oui, parce que tous les lycéens d'aujourd'hui sont nés dans la crise et ils ont bien compris qu'ils ne sont pas prêts d'en sortir. Boulot jusqu'à 70 ans, ils vont se gaver d'heures supplémentaires, taffer le dimanche, c'est merveilleux. Parce que cette année, le seul cadeau pour les travailleurs, c'est une seconde de repos et pas plus. Le Parisien de vendredi nous donne cette information essentielle. L'année 2008 aura une seconde de plus rajoutée à la dernière minute du 31 décembre. De quoi se faire encore plus de baisers à s'en crever les tympans. Mais cette seconde, ce n'est évidemment pas un cadeau du gouvernement, faut pas rêver, c'est un rattrapage pour corriger les variations de la rotation de la Terre. Mais bon, les travailleurs en fin de carrière, eux, ils auraient sans doute préféré une vraie retraite, un peu comme une seconde jeunesse. Merci Monsieur Bauduit pour cette excellente revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 141e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Sandrine Laurent et de Philippe Duclos, merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Marie Berthoumieux. Pour les SCOD et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris et sa recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le ministère psychique et en direct dimanche, toujours à 11h sur Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.